Audiomatique. The ice house preserves with incestuous flowers the nightly perfume overpowers me. The demon's kiss entwined devouring the heart will melt whilst the ice remains. Amorcer cette transmission 3-4-4 d'Audiomatique, les sonoristes vous ont présenté le duo The Creatures, formé de Susan Janet Ballion, alias Susie Sue, et Peter Edward Clark, alias Budgie, respectivement chanteuse et batteur du groupe Susie and the Banshees. Susie Sue et Budgie ont formé The Creatures en 1981 et ont sorti leur premier album studio intitulé Feast en 1983. De cet album, nous entendions la chanson Ice House. Il faut sans aucun doute éviter de faire de longues interventions parlées qui ne mènent nulle part si nous voulons rester fidèles à la mission d'Audiomatique, soit de laisser la place, toute la place possible aux artistes et à leurs œuvres. I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around? Snake. It may be crazy, but I'm the closest thing I have. La conclusion de cette séquence musicale à Audiomatique nous permettait d'entendre une pièce composée par l'artiste et poète Jill Scott Aaron, qui a été réimaginée par le batteur Makaya McCraven. En fait, Jill Scott Aaron, qui est connue pour son spoken word depuis la fin des années 60, a réalisé son dernier album intitulé I'm New Here en 2010, quelques mois seulement avant sa mort en mai 2011. En 2020, pour lui rendre hommage, Makaya McCraven a décidé de faire paraître l'album We're New Again, qui reprend en grande partie les thèmes de l'album d'origine en les remettant à sa main tout en gardant la voix de Jill Scott Aaron, qui l'a échantillonnée, ce qui donne un résultat fort intéressant comme nous avons pu l'entendre sur la pièce I'm New Here. Avant cela, nous entendions PG Harvey avec sa courte pièce You Come Through, tirée de l'album Her, paru en 2004. Et pour débuter la séquence, c'était le bassiste Junius Paul qui nous jouait sa composition Paris, accompagnée de Makaya McRaven à la batterie et de Marcus Hill à la trompette. La pièce est tirée de son album Ism. Pour la suite d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous faire entendre l'artiste américaine Sharon Van Etten. Oh no!

C'est avec l'artiste britannique Brandon Perry que nous terminions cette séquence musicale à Audiomatique. En plus d'être le chanteur de la formation Dead Can Dance, Brandon Perry fait également carrière solo en solo. C'est d'ailleurs de son deuxième album solo, Arc, sorti en 2011, que nous avons puisé la pièce Inferno que vous avez entendue. Tout juste avant, vous avez sans doute reconnu la chanteuse américaine Tori Amos et sa chanson The Waitress, extraite de son deuxième album Under the Pink, lancé en 1994. Et pour débuter, Sharon Van Etten nous interprétait la pièce You Know Me Well de son quatrième album Are We There, qui est paru en 2014. La formation argentine Plan Quinquena lance cette courte séquence musicale de deux pièces à Audiomatique. Yeah. Une brève séquence musicale à audiomatique qui se terminait sur la musique de la formation Torofon et sa pièce In Blood and Heels tirée de l'album Targets. Avant Torofon, c'était la formation Plankinkenal et la pièce Y hoy es hora de alegrar apparaissant sur l'album Destruyendo la nueva moral. La fin de cette transmission 3-4-4 d'audiomatique devra attendre car nous devons d'abord écouter une dernière pièce qui sera l'œuvre de la formation britannique The Hypnotics qui a existé de 1985 à 1999. Nous vous offrirons donc à entendre la pièce Justice and Freedom qui apparaît entre autres sur le premier album studio du groupe intitulé Liver Than God. La version de l'album dure 11 minutes et 43 secondes. Par contre, la version qui se retrouve sur le single Justice and Freedom est d'une durée de 8 minutes 40 secondes et c'est cette version que nous vous présenterons en conclusion de l'émission. C'est notamment à travers nos profils facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique que vous pouvez accéder le plus facilement aux archives d'audiomatique. Ce que nous vous invitons à faire, surtout si votre présence est impossible dans le rayon d'action de la radio CFOU 89.1 FM ou à l'heure habituelle de diffusion des transmissions, c'est-à-dire les mercredis de 17h à 18h. Voici donc The Hypnotics et la pièce Justice in Freedom. C'était Audiomatique avec les sonoristes. We'll be right back. just the start of it. Shake it till some good come through. My blue, yeah.